L'amour n'est qu'un jeu. Je ne peux rien faire de mieux. Nous aurions dû suivre les règles du 421 au 69. Nos chiffres faisaient des étincelles. Des furent jetés, désormais ils sont cassés. Il faut qu'on arrête là, j'en ai plus qu'assez. Où est l'arrivée et le départ? Sur quelle case suis-je? Blanc ou noir, qu'on se nous voyait, où est notre prestige? Ces questions sans réponse ruinent notre bonheur. Je voulais les trouver, oh, j'y mettais tout mon cœur. Mais tout cela était aussi vain que cette vie, qui petit à petit, mourir d'ennui, eut envie. C'est ainsi que s'achève notre bataille. Je n'aurais pas supporté n'être qu'un homme de paille. L'amour est un jeu où il n'y a pas de vainqueur. Parfois il y a échec, comme aujourd'hui, madame de cœur.